Quand on a compris cette mécanique-là, puis qu'on sait qu'on ne répétera pas la même erreur, ben on devient content de faire des erreurs. Ça devient, c'est ça, servir du négatif d'une certaine façon. Ça devient le négatif devient positif. Comme ça, quand vous vous trompez, ben au fond, vous savez que vous êtes en train d'intégrer quelque chose, puis que vous ne répéterez pas la même erreur. À moins qu'il y ait de la mémoire psycho-affective puis des conflits qui embarquent. Là, c'est là qu'on est repris. On se fait reprendre. Un peu comme un alcoolique qui recommence à boire. Si on était réellement évolutionnaire, si on était vraiment intégral, l'alcoolique qui arrête de boire ne peut pas recommencer. Ça devient impossible. Peu importe l'événementiel, peu importe ce qui se passe. Là, il y a de l'intégration, de l'expérimental. Mais l'expérimental qui n'est pas intégré va se traduire en souffrance tout le temps. Ce qu'on ne voit pas consciemment, on va être pris pour l'intégrer de force par de la souffrance expérimentale. Puis des fois, ça ne fonctionne même pas. Les gens ne sont pas pour souffrir toute leur vie dans une répétition. Il y a quelque chose là qui est épouvantable. Surtout si c'est ce qu'on pourrait appeler une spirale involutive, ça va d'aller toujours dans le pire. Donc, il y a quelque chose là qui fait partie de la tragédie. C'est de la tragédie au fond. Puis, bon, ça devient un peu comme à l'image de quelqu'un qui vit une passion, mais au sens d'un chemin de croix. Est-ce que c'est réellement. En tout cas, il y a toujours possibilité aussi pour quelqu'un d'observateur d'apprendre des erreurs des autres par l'observation. Mais ça revient tout le temps à l'observation.